les rats. Et les assiettes c'est le minimum, le pire c'est que le climat ne fait que s'empirer. Mais t'as le millimètre. J'ai vu ce que les poulettes peuvent faire aux anciens coqs. Non je vais pas m'humilier. Et y'a pas que moi c'est général. Ma cille y a incinéré. La petite bouteille est bidérail. Dedans c'est pas de l'eau minérale. T'esquives pas ma haine sur le gilet rage. Ma cille solo seul je finirai. Ouais seul je finirai. Des assassins qui assassinent pour ça sont rémunérés. Et mes chers ni dans les WC. Point dans les WC. Par gentillesse tu ne peux pas trébucher parce que t'es très méchant. Je fume la frappe, tu la carotis. Je sais qu'à me ralentir. Je porte un nom dont je suis pas vraiment digne. C'est ce que mes parents disent. J'ai connu plein de gens, j'ai connu plein de chiens. J'ai connu plein de ponts qui font leur peine pleine. Ouais ouais. Ouais ouais, c'est la course aux milliards. Ma chérie, on est des millions. Ouais ouais ouais, ma cité c'est ma cilia. Sur le gilet rap pour dinero. Ouais ouais ouais, on fait la course aux milliards. On s'y perd, on est des millions. Ouais ouais ouais, ma cité c'est ma cilia. Sur le gilet rap pour dinero. J'décris ma rage au boulot, bois la bouteille au goulot. Algérien, je manie. Arme de guerre de Pologne, j'ai pour faire du khalis, essayer de me mettre à l'aise. Je viens de la rue et j'en ressens le malaise. On se demande qui je suis, on me demande si j'ai esquivé leur vice. Et toi tu penses qu'à te plaindre imbécile. Tous les jours je pense qu'à ma foutue monnaie. Pas de sentiments avec eux je les connais. Je ne suis pas bien ici, je peux te l'assurer ouais. Petit parabellum, je me suis rassuré ouais. Attaché à mes racines, c'est pas des paroles en l'air. Ça me rend parole la nuit, comme les pleurs de ma mère. Je me demande qui je suis, je me demande qui faut suivre. Fais pas semblant, t'en as rien à foutre et d'ailleurs moi aussi. Mon cœur anéanti, ma chérie c'est pas l'homme. Le jour de la perquise, plus personne sera là. C'est la course aux milliards. Ma chérie on est des millions. Ouais ouais ouais. Ma cité c'est ma cilia. Sur le gilet rap pour dinero. Ouais ouais ouais. C'est la course aux milliards. On s'y perd, on est des millions. Ouais ouais ouais. Ma cité c'est ma cilia. Sur le gilet rap pour dinero. Ma chérie, on est des milliers.